c'était à la fin de la soirée. J'avais le fixe sur la télé, que des images un peu débiles, commerce bizarre et monde fragile. Soudain, je t'ai vu dans une grosse chaise, t'étais tout petit et mal à l'aise, sur tes genoux, un grand cahier, journal de ton année pleurée. T'as dit chez nous on pleure, on meurt, ce qui est beau va vivre ailleurs. T'as dit chez nous même les oiseaux sont prisonniers dans un étau. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ton enfance? Il y a dans tes mains peine et souffrance. Qu'est-ce qu'on a fait de ton enfance? Souvent j'y pense. Tu parles d'un pont et de ta ville, et des humains cibles d'argile pour des snipers, pour un obus. T'es une erreur, une balle perdue. Tu parles de paix et de bonheur, des journées noires au fond de la cave. C'est une sirène qui donne l'heure, c'est toute ta vie dans une enclave. J'ouvre ton livre ou ton journal, j'entends les tirs et les rafales. Cahier d'amour comme un signal, l'espoir planté devant le mal. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ton enfance? Y a dans tes mains peine et souffrance. Qu'est-ce qu'on a fait de ton enfance? Dans ton cahier, la résistance. Toi, Zlata, mot d'Amérique loin des combats. C'est une lettre pour toi, Zlata, mot d'Amérique tout près de toi. C'est dans le regard d'un enfant que l'on s'éloigne du néant. C'est dans le regard d'un enfant que le monde redevient vivant. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ton enfance? Y a dans tes mains peine et souffrance. Qu'est-ce qu'on a fait de ton enfance? Dans ton cahier, la délivrance.